Bhagavad Gita, chapitre 4. Le renoncement à l'action dans la connaissance. Le Seigneur suprême dit : J'ai enseigné ce yoga éternel à Vivasvan. Le Dieu Soleil. Vivasvan l'a enseigné à Manu, et Manu l'a enseigné à Ikshvaku. Cette connaissance, transmise en une lignée ininterrompue, était connue des sages royaux. Mais au fil du temps, ce yoga s'est perdu. C'est ce même yoga ancien que je t'ai enseigné aujourd'hui, car tu es mon fidèle et mon ami. C'est le secret suprême. Arjuna dit « Mais ta naissance se produisit après celle de Vivasvan, qui naquit bien avant toi. Comment puis-je comprendre le fait que tu as enseigné ce yoga au début de la création ?» Le Seigneur suprême dit « Ô Arjuna, nombreuses sont mes naissances passées, et aussi les tiennes. Je les connais toutes. Mais toi, tu les ignores. » Bien que je sois non-né et de nature éternelle, bien que je sois le Seigneur de toutes les créatures, maîtrisant ma propre nature, je prends naissance par mon propre pouvoir. Chaque fois qu'il y a un déclin de la justice et une montée de la perversité, je me manifeste. Pour la protection des bons, pour la destruction des méchants et pour l'établissement de la justice, d'âge en âge, je prends naissance. Celui qui voit sous leur vrai jour ma naissance et mon action divine n'a pas à renaître une fois qu'il a quitté son corps. Il vient à moi, ô Arjuna. Libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, absorbés en moi, prenant refuge en moi, purifiés par le feu de la connaissance, nombreux sont ceux qui m'ont atteint. Quelle que soit la manière dont les hommes m'approchent, je les récompense toujours. Les hommes suivent ma voie de multiples façons, ô fils de Pirtha. Ceux qui désirent le résultat de leurs actions ici-bas offrent des sacrifices aux dieux, parce que la satisfaction des désirs est rapidement obtenue par les actions menées dans ce monde. Les quatre divisions entre les hommes ont été créées par moi selon les différences dans la nature mentale et l'action. Bien que j'en sois l'auteur, je n'agis pas et ne suis pas sujet au changement. Les actions ne m'affectent pas et je n'ai pas non plus de désir pour leurs fruits. Celui qui me connaît comme tel n'est pas lié par ses actions. Sachant cela, les anciens, aspirant à la libération, se sont engagés dans l'action. Par conséquent, suivant l'exemple donné par les anciens depuis des temps immémoriaux, tu dois aussi agir. Mais qu'est-ce que l'action? Et qu'est-ce que l'inaction? À cet égard, même les hommes emplis de sagesse se trompent. Par conséquent, je vais t'enseigner l'action, afin que cette connaissance te délivre du mal, te délivre du samsara, le cycle des naissances et des morts. Vraiment, la nature de l'action juste doit être connue, ainsi que celle de l'action répréhensible et celle de l'inaction. La voie de l'action est difficile à comprendre. Celui qui reconnaît l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction est un sage parmi les hommes. Il est un yogi et il accomplit vraiment toutes les actions. Celui dont les activités sont dénuées de désir et de but personnel, dont les actions ont été consumées dans le feu de la connaissance, est considéré comme un sage par les hommes avisés. Ayant abandonné l'attachement pour le fruit de l'action, toujours satisfait, ne dépendant de rien, il n'agit pas, bien qu'il soit engagé dans l'action. Libre du désir, le mental et le soi sous contrôle, ayant abandonné toute possession, n'agissant qu'avec son corps, il ne commet aucune faute. Satisfait de ce qui vient vers lui sans effort, détaché à l'égard des sensations contraires, équanime dans le succès et l'échec, bien qu'agissant, il n'est pas lié. Toutes les actions accomplies par l'être détaché, libéré, dont le mental est établi dans la connaissance et qui agit dans un esprit de sacrifice, sont dissoutes. Brahman est l'oblation, Brahman est le beurre clarifié et tout ce qui constitue les offrandes. Par Brahman, l'oblation est versée dans le feu de Brahman. Brahman est atteint par celui qui voit Brahman dans toutes les actions. Certains yogis accomplissent le sacrifice uniquement pour les dieux, alors que d'autres offre le soi comme un sacrifice par le soi dans le feu de Brahman. Certains offrent l'ouïe et les autres sens en sacrifice dans le feu du contrôle des sens. D'autres donnent le son et d'autres objets des sens en sacrifice dans le feu des sens. D'autres encore sacrifient toutes les fonctions des sens, ainsi que celles de la respiration, dans le feu du yoga de la maîtrise de soi, allumé par la connaissance. D'autres encore offrent la richesse, l'austérité et le yoga en sacrifice, tandis que les ascètes, qui observent la maîtrise d'eux-mêmes et des vœux fermes, offrent leurs études des Écritures et la connaissance en sacrifice. D'autres offrent en sacrifice l'expiration dans l'inspiration et l'inspiration dans l'expiration, régulant l'inspiration et l'expiration, totalement absorbées dans la régulation du souffle. Et d'autres, par la régulation de leur nourriture, offrent les airs vitaux dans la force vitale. Tous sont des connaisseurs du sacrifice et leurs démérites sont détruits par le sacrifice. Sache, ô Arjuna, que sans accomplir de sacrifice, on ne peut vivre heureux dans cette vie, en ce monde. Et que dire de la suivante ? Ainsi, les innombrables sacrifices sont-ils déployés devant la face de Brahman. Sache que tous sont nés de l'action et, sachant cela, tu seras libéré. Le sacrifice de la connaissance est supérieur au sacrifice des objets. Toutes les actions culminent dans la connaissance. Sache que si tu te prosternes longuement devant un sage, si tu lui poses des questions et si tu le sers, ce maître qui a réalisé la vérité t'instruira dans cette connaissance. Sachant cela, ô Pandava, tu ne te laisseras plus égarer ainsi, et tu verras tous les êtres dans le soi et aussi en moi. Même si tu es le plus grand de tous les pécheurs, tu traverseras l'océan des péchés sur le vaisseau de la sagesse. De même que le feu ardent réduit le bois en cendres, ô Arjuna, le feu de la connaissance réduit en cendres toutes les actions. Certainement, il n'y a pas de plus grand purificateur dans ce monde que la connaissance. Celui qui a atteint la perfection du yoga réalise finalement le soi. L'homme plein de foi, qui s'est consacré à cette connaissance, qui a contrôlé les sens, l'atteint. Et une fois qu'il a obtenu cette connaissance, il arrive sans délai à la paix suprême. Tandis que l'ignorant, l'homme dénué de foi, celui qui est en proie au doute, court à sa perte. Il n'y a pas de bonheur pour celui qui doute, que ce soit en ce monde ou dans l'autre. Celui qui a renoncé aux actions par le yoga, dont les doutes ont été tranchés par la connaissance et qui est maître de lui, n'est plus lié par les actions. Par conséquent, avec l'épée de la connaissance, tranche ce doute quant à la nature du soi. Doute né de l'ignorance qui réside en ton cœur et prends refuge dans le yoga. Lève-toi, ô Arjuna. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le quatrième enseignement intitulé Le yoga du renoncement à l'action dans la connaissance. Om Shanti, Shanti, Shanti.